C'est un peu c'est un peu inspiration. Simplement un peu de ton âme. J'ai repiqué un peu. Je ne suis là, je suis jamais là pour toi. C'est une nana, une fille qui chante. Je vais prendre un texte à moi. Voir un truc qui traîne par là. Bientôt un truc. Je cherche de quoi parler. Bah alors ils sont bons, t'as fait. Parole. Texte de chanson. Ouais, un texte à moi, comme ça. Voilà, attends. À chanter avec la basse comme ça, moi je suis pas bon pour ça. J'ai besoin d'être tout seul au micro, donne ma basse. Chanson avec que des idées. chanson improvisée, toi. Et non, parce que le refrain, ça fait... Pas les personnes perdues. c'est bon. Hey Titi. C'était sympa celle-là, pour une chanson faite en 2 minutes, avec des paroles faites en 2 minutes. En fait, j'ai repris des expressions, et puis voilà, le refrain, je l'écris tout. Pas de morale à cette chanson, tu prends, tu gardes, tu sais qui est bon. C'est un petit côté trust un peu. Hein. Bon, je vais en pause, moi. En pause à l'usine. Je reste sur le... Il est pas mal ce morceau. On réécoutera ça.